Je peux être un mec en place, brillant et tranchant comme un katana. Je suis devant le temple de la sagesse, il me reste plus d'un million de marches avant de l'atteindre. Je suis à peine à l'aube de mes objectifs, nouveau millénaire. Aucune raison de le fêter, je prends un shot de saké à nos destins ratés. Un grain de riz peut faire pencher la balance, alors une plume aussi. Comprends que je m'applique dans l'écriture depuis petit. On dirait que les gens sont borgnes ou qu'ils ne veulent rien voir. J'en veux même à mes potes, des fois on peut pas tous être d'accord. Personne n'a la science infuse, mais où sont nos réponses? Si je pouvais, je dirais mon avenir dans une infusion. Mon âme s'est guidée par la pleine lune, par la sagesse, pas par un PQ. Esprit du soleil levant, montre-nous la voie, fais-moi faire les bons choix, guide-moi, ne me quitte pas, j'ai besoin de toi. Fais-moi faire les bons choix, guide-moi, ne me quitte pas, j'ai besoin de toi. Yeah. Tout est une question de choix, on se construit seul, je vous passe le bonsoir. La plume est solide, elle reflète le personnage. Te concerne si dans ce monde tu perds ton âme. Si tu veux monter, tu restes en bas. Tout est une question de choix. On se construit seul, je vous passe le bonsoir. La plume est solide, elle reflète le personnage. Te concerne, si dans ce monde tu perds ton âme. Si tu veux monter, mais tu restes en bas. Appelle-moi Vegasan, l'écriture est orientale. Discrète mais solide comme un bonsaï. Le savoir est une arme, si j'ai des bonnes rimes, je deviens un cracheur de flammes. Des heures à méditer, à contempler la beauté de Pachamama. Seul face à ma terre, mère, je suis une poussière d'étoiles. Si être un homme, c'est se donner le droit d'avoir la main. Mais surtout, vouloir la science, non pas pour savoir, mais pour contrôler les éléments. Je suis pas de cette espèce, je suis un enfant de l'espace. Je suis né pour briller, mais je vais finir par m'éteindre comme de l'encens. Je veux juste construire avant, peu importe si la fin c'est harakiri. Je veux juste pas me crier, les pupilles à force de regarder le sommet. Toujours du respect pour les miens comme un yakuza. Défends tes droits comme un samouraï si on t'accuse à tort. Je m'adis le micro des heures en solitaire comme si c'était mes katas. La richesse est intérieure, je préfère la modestie qu'un palace. Une question de choix, on se construit seul, je vous passe le bonsoir. La plume est solide, elle reflète le personnage. Te concerne si dans ce monde tu perds ton âme. Si tu veux monter mais tu restes en bas. Tout est une question de choix. On se construit seul, je vous passe le bonsoir. La plume est solide, elle reflète le personnage. Te concerne si dans ce monde tu perds ton âme. Si tu veux monter mais tu restes en bas. All around the production.